Long Beach, zone à haut risque, j'suis pas un terroriste. J'ai le flow qui terrorise, j'suis coupé à la CC. T'as ton béret CRD, si tu veux me baiser, t'auras pas deux essais. Lyric slam de Mac 3, lyric à cache bras. Lève les mains en l'air, boy, non sont jamais marche droit. Mais ça dans l'arturie, j'ai l'artillerie. MC Arturie atterrit quand la rime, j'martyrise. J'vais valser les douilles, valser les talons. Commissaire bouchon gros cul pour nous casser les couilles. Pas trip en égo trip, c'est pute de go trip, c'est de la sauterie. Mes lyrics sont tristes, carbure au sautri. Mon son est sans diète, ton avis s'en tape. Jamais il stop en otage, prends ta mixtape. Steak c'est sec, mais ça j'm'en bats les steaks. J'abats les obstacles, préviens la balistique. Style, au stylo, stylo, j'me dois te faire mal. Stylo, stylo, stylo, un carnage lyrical. Style, au stylo, stylo, c'est infernal. Stylo, stylo, stylo, c'est pour mes chacals. Style, au stylo, stylo, j'me dois te faire mal. Stylo, stylo, stylo, un carnage lyrical. Style, au stylo, stylo, c'est infernal. Stylo, stylo, stylo, papa. Mon son des fourrailles crame comme un tas de ferraille. Derrière moi un tas de furieux, ouvrant tes oreilles. J'suis un talent gâché, que les salopes à guicheux. Ma lame est cachée et ne sortira qu'au guichet. J'carbure au mélange dément, les ragots des gens j'démens. J'descends d'où j'démons, en moi s'mélanger démons. Les Tasmanis, sapé caillou Armani. En harmonie, j'fous la merde comme le diable de Tasmanie. Plus on est de fou et plus on fout le hella. J'lâche mes saloperies, t'inquiète c'est bien viscère. J'te fais pas de bride salaud. Sans sucer, faut que je réussisse, que je perds le bip 9160. Le code de mon putain de compte en Suisse. Règlement de compte sanglant, coup de batte comme un Yankee. Dans la street, c'est ce crédit que je vais faire les Yankees. La gloire tient qu'à moi, si tu t'attaques à moi. J'ai mes soldats, bap tout au noir, rap sac à moi. Style, au stylo, stylo, je me dois te faire mal. Stylo, stylo, stylo, un carnage lyrical. Style, au stylo, stylo, c'est infernal. Stylo, stylo, stylo, c'est pour mes chacals. Style, au stylo, stylo, je me dois te faire mal. Stylo, stylo, stylo, un carnage lyrical. Style, au stylo, stylo, c'est infernal. Stylo, stylo, stylo, papa. Rien que du potentiel, ouais. Rien que des potes au ciel. Jure mes insultes pour tous mes potes en cellule. Frappe le mic à toute heure, le seum pour moteur. Sur le terre-terre pour les fils de stupia que des bouts de terre. Lyrics coup de bouteille, hey, monte en l'air comme un bout de hay. Tu sers mitraille mec, à vue d'œil tu t'es trahi. J'ai la rime et le flow sur son pour que ça frotte. On monte en boîte Cosmo mais toujours en fraude. Tarcelle dans ton MP3, la prod c'est MDB. J'suis pas ton pote, serre pas la main sur garde tes pieds. J'ai la rage d'un dollar, la fin des dollars. Ma fin t'es dans l'art, j'suis le roi de la galère. Stylo, stylo, stylo, ma vie devant le zap. Girl avec mon telo, t'es pas en lieu sûr. En mode escro, faut que j'encaisse, gros. J't'assure, c'est pas des blagues, j't'ai fait lyrique. Et j'frappe le mic, même au black. Ha! Hey ya, hey ya, qui sert? MDB Production, mon pote. SPYK, LAMS, Dixon, OCP, ouais, c'est bon ça. Stylo, stylo, rien que ça mitraille. Lyrics de Morphal, tu m'en rafales.